lourde dans les paupières de tes yeux qui renversent pile entre les phalanges de la pluie sur la brasse. Ces envies qui nous poussent à embrasser le vide où les bras en croix affilés à l'anglaise. Dans tes yeux tout au bout, ce qu'il reste de nous emporté par la mer qui s'endort sur les braises. Accrochés à leur cou, on finit tous un jour par se croire immortels sur le bord des falaises. J'ai pas voulu tout ça. J'ai pensé qu'à moi. J'ai pas voulu tout ça. Au-dedans de tes yeux, les torrents traversant paupières avant d'aller s'échouer sur la brasse. On en a vu navire qui, ne sachant pas lire les cartes, se noyaient tous au pied des falaises. Qu'on soit rayon de feu, que l'on soit fils de Dieu ou juste un indien fou qui marche sur des brasses. On est le cœur amoureux, qu'on soit l'ombre des cieux, on n'est rien du tout qu'un fou sur la falaise. Des flammes à la rivière, y a des trous dans ma chair. Ouais, des siècles en enfer à chercher ta flamme à la rivière. Je cherche des flammes à la rivière. Pleine est aux fleurs, quand les fleurs sont du mal, quand j'ai mal à toi, quand je suis sur des braises. Au milieu des yeux rouges de ces rois divorcés qui recherchent une reine sur le bord des falaises. Que l'on marche sur l'eau, qu'on se soit aimé trop, trop mené en bateau, que l'on marche sur l'eau, qu'on redevienne feu avec toi si tu veux. Ça ne changera rien. Un jour, oui, tout s'éteint. Ça n'y changera rien de rien. Un jour, oui, tout s'éteint.